Chapitre 30. La famille d'air. La vaisselle et l'argenterie étincelaient à profusion sur la table de la salle à manger de M. d'air. Il était 6 heures. La famille venait de s'asseoir. Madame d'air, en robe de gaze, présidait. Ses deux fils aînés, Anthony et Herbert, étaient assis à côté d'elle. M. d'air entre ses filles aînées, Adélaïde et Julia, et les 4 autres enfants, Cyril et George, Rose et Mina, avec leur gouvernante, étaient entre eux. M. d'air servait le poisson. Une assiette suivie de la sauce fut offerte à Anthony. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Du beurre fondu ? Où est la sauce au moule ?»« Il n'y en a pas aujourd'hui, » répondit Madame d'air. « Nous avons envoyé un acheter trop tard, il n'en restait plus. Joseph, portez les anchois à M. Anthony. » M. Anthony arracha la sauce d'anchois à Joseph, en jeta sur son assiette et rendit la bouteille au domestique. « Je ne tiens pas au saumon sans sauce au moule, » cria-t-il. « J'espère que vous n'en verrez pas trop tard au marché une autre fois. »« C'est la faute de la cuisinière, » dit Madame d'air. « Elle n'a pas bien compris mes ordres. »« Vieille bête, » cria Anthony. « Anthony, voici du concombre, » dit Julia à son frère. « Anne, portez le concombre à M. Anthony. »« Tu sais bien que je ne mange pas de concombre avec le saumon, » grommela Anthony. Une pause suivit. Les fourchettes allaient bon train. Madame d'air rompit le silence. « Herbert, t'es-tu réconcilié davantage avec le bureau ?»« Non, et je ne le serai jamais, » répondit Herbert, « travailler de 10 à 5 heures. C'est joliment long. C'est aussi ennuyeux que le collège. » M. d'air leva les yeux. « Tu aurais pu embrasser une profession qui t'aurait occupé bien plus longtemps, Herbert. Qu'as-tu donc à faire que ton temps soit si précieux ? Veux-tu encore du poisson ?»« Je ne sais pas. Je crois que oui. Il est bon aujourd'hui. Très bon avec le concombre qu'Anthony dédaigne. » Anne prit l'assiette et l'attendit à M. d'air. « Anthony, » dit M. d'air tout en découpant, « où étais-tu donc cet après-midi ? Depuis 2 heures, tu as disparu. »« J'étais avec Oxley, » répondit brièvement Anthony. « Oui, c'est très facile de répondre, avec Oxley, mais le bureau en souffre. Je désirais bien que vous autres jeunes gens vous ne courussiez pas autant après les plaisirs. »« Un peu de poisson, monsieur ?» demanda Joseph à Anthony. « Non. » Le second service arriva. Un quartier d'agneau, des asperges et d'autres légumes. Herbert faisait la moue. Depuis quelque temps, il n'aimait plus l'agneau. « Naturellement, il y aura quelque autre chose pour moi » demanda-t-il. « Oh, naturellement !» répondit Madame d'air. « La cuisinière sait que tu n'aimes pas l'agneau. » Rien n'arrivait. Anne fut envoyée s'enquérir de cette négligence. Elle va annoncer que la cuisinière n'avait pu trouver des côtelettes de veau, et M. Herbert lui avait dit que si elle en présentait encore une de mouton, il la lui lancerait à la tête. « Quelle vieille menteuse de dire qu'il n'y avait pas de côtelettes de veau !» cria Herbert à Louis de ce message. « Je déteste le mouton et l'agneau, et je ne mangerai ni l'un ni l'autre. » « J'ai entendu ce matin le boucher dire qu'il n'avait pas de veau, monsieur Herbert, » interrompit Anne. « Par ces chaleurs, on n'en tue pas beaucoup. »« Pourquoi n'aimes-tu plus l'agneau, Herbert ?» demanda M. d'air. « Tu en as mangé tout l'été. »« C'est précisément pour cela. J'en ai tellement mangé que j'en suis rassasié. » « Console-toi, Herbert, » dit sa mère. « Nous allons avoir une tourte et un délicieux pudding au melon. »« Je ne crois pas que tu puisses avoir bien faim. Tu as mangé 2 fois du poisson. » Herbert n'était pas content. Il battait du tambour sur la table. Il daigna goûter aux asperges et se remplir l'estomac de tourte et de pudding. Le fromage, le dessert suivirent, il en eut sa large part. Et cependant, il se trouvait fort à plaindre de n'avoir pas eu de morceau de viande tout exprès pour lui. Les 3 filles cadettes et l'institutrice quittèrent la table. Cyril et Georges en firent autant. M. d'air s'inquiétait fort peu qu'il retournât jouer ou travailler. Madame d'air et Adélaïde se levèrent à leur tour. « Hawksley viendra ce soir !» cria Anthony, comme elles allaient sortir. Adélaïde se retourna. « Qu'as-tu dit, Anthony ?»« Lord Hawksley viendra. Du moins, il a dit qu'il viendrait peut-être 1 heure, mais il ne faut pas compter sur lui. »« Il nous faudra être dans le grand salon, maman, » dit Adélaïde à sa mère. En traversant le vestibule. Madame Bellion et les enfants peuvent prendre le thé à la salle d'études. Julia aussi ? Madame d'air leva les épaules. Si tu peux l'y décider, je ne crois pas qu'elle y consente. D'ailleurs, pourquoi ? Adélaïde ne daigna pas répondre. Madame d'air monta dans le grand salon, elle sonna, et donna mille ordres dont le motif était la visite douteuse du vicomte. Des glaces, des rafraîchissements, la meilleure porcelaine, la plus belle argenterie. Puis, elle s'installa dans son fauteuil pour sa sieste de l'après-midi. Adélaïde entra dans le petit salon. Julia lisait. Mademoiselle Bellion jouait du piano. Et les 2 cadettes se disputaient. Mademoiselle Bennion quitta sa place quand Adélaïde entra. « Vous prendrez le thé dans la salle d'études, mademoiselle. Julia, toi aussi. »« Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Maman, Lord Hawksley viendra, et nous ne voulons pas que le salon soit encombré. » »« Je ne m'en vais pas rester hors du salon pour Lord Hawksley, » répliqua Julia, jeune fille à l'air calme et résolu. « Qui est donc Lord Hawksley pour qu'on fasse tant d'embarras pour lui ?»« C'est toujours votre seigneurie par ici, votre seigneurie par là, et papa qui le porte nu. Ça ne me plaît pas. » Il nous regarde du haut de sa grandeur, je le vois bien, quoiqu'il daigne laisser croire Anthony qu'il est son ami. Les yeux bruns d'Adélaïde brillèrent, ses joues rougirent. Julia, tu n'es qu'une sotte. C'est bien possible, répondit Julia avec un calme parfait, mais je ne m'en vais pas rester ici pour l'amour de Lord Hawksley. Laisse-moi continuer ma lecture, Adélaïde, elle est très intéressante. Pendant ce temps, Herbert, voyant qu'il devait renoncer à l'espoir de boire davantage, car M. Dare avait prudemment décrété que deux verres de vin de Bordeaux lui suffisaient, quitta sa place et s'élança par la fenêtre qui donnait sur les champs. Il courut chercher son chapeau dans le vestibule, puis, traversant la pelouse, il se trouva sur la grande route. Anthony resta seul avec son père. Il recueillait son courage pour lui parler d'un sujet qui lui causait une certaine perplexité. Il entra aussitôt en matière. « Mon père, je suis dans l'embarras. La police me court après. » M. Dare tenait son verre entre son œil et la lumière. Ses mots le lui firent reposer sur la table. « Qu'est-ce que cela? Qu'as-tu fait? Je ne sais pas trop, mon père, mais le fait est que je suis poursuivi, et je vous serai bien obligé si vous m'aidiez à sortir de ce mauvais pas. Ta pension est suffisante, amplement suffisante. As-tu oublié que je t'ai payé tes dettes au commencement de l'année? Combien te faut-il? » Anthony tiraillait la frange de sa serviette au grand détriment du linge damassé. « 5 000 francs, mon père. »« 5 000 francs ?» tonna M. Dare. « Ah ça, est-ce que vous voulez me ruiner, Anthony ? Regardez donc mes dépenses, mes factures. Je vous répète que votre pension est suffisante et que vous devriez vous en contenter. » Anthony se mordait les lèvres. « Je ne vous aurais rien demandé, mon père, si j'avais pu faire autrement. Mais je suis à bout de ressources. Hawksley et moi, nous avons souscrit des billets. Il en a pris 2 et moi. » « Alors Hawksley, toi, vous êtes 2 imbéciles. » interrompit M. Dare. « Il n'y a pas de jeu aussi dangereux que celui-là. Ne te l'ai-je pas dit 50 fois? Une simple dette peut être renvoyée de mois en mois, d'année en année, mais les billets, c'est chose différente. Quand j'étais jeune, j'ai vécu des années en promettant de payer, mais je ne donnais jamais ma signature. » « Hawksley... »« Hawksley peut faire ce que tu ne dois pas faire, » interrompit encore M. Dare. « Il aura la fortune de son père. » « Rappelle-toi que je ne veux plus entendre parler de choses pareilles. Il m'est impossible de te payer constamment de telles sommes. Herbert est presque un homme. Cyril et George grandissent. Ce serait joli si vous mettiez tous les 4 après moi. Je te donnerai un mandat demain matin et je ferai très bien de réduire ta pension de moitié jusqu'à ce que je sois remboursé. » M. Dare acheva son vin, sonna et quitta la chambre. Anthony restait debout, appuyé contre la fenêtre, plongé dans une sombre méditation, quand Herbert arriva en courant. « Où est mon père ? » demanda-t-il. « Ailleurs, au salon peut-être. Que c'est ennuyeux. On ne peut pas lui parler devant les filles. Je voulais lui demander 30 francs. Markham a une superbe ligne à vendre et je la veux. »« 30 francs pour une ligne à pêcher ! » cria Anthony. « Elle n'est pas chère à ce prix. Tu n'as jamais rien vu de si joli. » Markham ne la vendrait pas. C'est un souvenir de ses meilleurs jours. S'il ne voulait pas procurer à sa vieille mère des douceurs qu'il ne peut pas voir autrement alors... » Tu as déjà une demi-douzaine de lignes. Une demi-douzaine de saletés en comparaison. D'ailleurs, ça ne te regarde pas, Anthony. Je le sais bien, mais tu m'obligeras, Herbert, en ne parlant pas d'argent ce soir, mon père. J'ai dû lui en demander un peu et cela l'a mis sens dessous. T'en a-t-il donné ? Anthony inclina la tête affirmativement. Alors tu me donneras 30 francs, veux-tu, Anthony ? Je ne puis pas, j'aurai le mandat demain et cela ne me suffira pas, mais je n'ai pas osé demander davantage. « Si je n'ai pas la ligne ce soir, Markham la vendra à quelqu'un d'autre, » grommela Herbert. « Va la chercher, » répliqua Anthony. « Promets-lui l'argent pour demain. Tu n'es pas obligé de le lui donner, tu sais. Mon père vient précisément de dire qu'il a vécu des années en promettant de payer. Markham voudra l'argent. Il croira l'avoir si tu lui dis qu'il l'aura demain. Apporte la ligne ici. La possession est un des 9 points de la loi, tu sais. Il fera un tel tintamarre s'il voit qu'il n'est pas payé. Tant pis. » Tu crieras à ton tour. C'est la chose du monde la plus facile que de remettre au lendemain de misérables sommes comme celle-ci. Les gens finissent par se lasser de les réclamer. Herbert partit pour aller chercher la ligne. Anthony bâilla, s'étira et quitta la maison à l'heure où le crépuscule tombait. Il y avait un rendez-vous. Herbert arriva chez Markham. Cet homme, autrefois dans une jolie position, habitait à peu de distance de M. Dare une maisonnette entourée d'un vaste jardin où il s'occupait du matin au soir. Il examinait une de ses plates-bandes quand Herbert entra. Il désirait prendre la ligne. Il lui apporterait l'argent le lendemain à 9 heures du matin avant d'aller au bureau. M. Dare était sorti, sans cela il le lui aurait apporté tout de suite. S'ils avaient regardé par-dessus la haie pendant leurs négociations, Herbert et Markham auraient vu deux jeunes messieurs se cacher subitement dans l'ombre, ramper sans bruit, sans faire attention au marais, qui, il est vrai, était assez qu'en cette saison, faire un saut par-dessus la haie et entrer chez M. Dare. C'étaient Cyril et George. Ils avaient évidemment commis quelques méchancetés. Ils se glissèrent le long du mur, comme ils l'avaient fait sous la haie, sautèrent dans la maison par la fenêtre ouverte et réveillèrent brusquement Mme Dare de sa sieste. Ils avaient compté trouver la chambre inoccupée.